Application digitale pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait ça. Rendez-vous vite sur partenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Partenamut, on vous simplifie la santé. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Salut tout le monde et bienvenue. La semaine dernière, j'ai cru que c'était un hasard. Maintenant, je vois que c'est du fétichisme. David Jean Motte et l'éventail. Oui, c'est fait, c'est adopté, ça fait partie de ma main. On peut m'appeler Robostar. Eh ben, je vous ai trouvé un petit travail. Vous pouvez maintenant ventiler Sarah de Padua un peu. Avec grand plaisir. Voilà, vous dites... Plus vite. Plus fort. Ah, quel fainéant. Vous pouvez maintenant ventiler Jérôme de Warzée. Plus doucement. Il en a besoin. Mais vous êtes agressif. Plus doux, il vous dit. Plus doux. Plus doucement. Mais je sais, je peux être doux. Oui, Christophe Grandjean, vous pouvez choisir. C'est quoi tous ces courants d'air? Non, mais alors, vous voulez pas être ventilé par un relooker professionnel? Non. Ventilé par David, je prends pas de risque. Oui. Non. Cet homme a côtoyé les plus grands, dont. Et c'est vrai, dont Loana. Toutou, Sharon Stone, Madonna. Fabiola, c'était vous? Fabiola, non, c'est pas moi. Ah, désolé. Heureusement, jusqu'en 66, c'était lui. Non, désolé. Prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Vous voulez un petit coup de ventilo, Denis, ou pas? Allons-y. Allez, fais péter, David. Ah, bien. Voilà. Mais dites-nous, voilà. Oui, mais écoutez, pour l'instant, il y a, à mon avis, un autre ventilo plus puissant que celui de David qui est en train de pousser des nuages sur le sud de notre pays. Et en fait, eh bien, c'est tout simplement cette masse orageuse qui remonte chez nous et qui va provoquer progressivement un ciel nuageux sur le sud et des orages que l'on attend vers midi sur le sud du pays, dans le courant de l'après-midi et de la soirée sur le centre et le nord. On ira de 30 degrés en Verse, 23 dans l'extrême sud du pays et demain, il fera déjà plus frais partout. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, le début du procès de Bernard Westphal. L'ancien député est accusé d'avoir tué sa femme, Véronique Pirotton, mais il prétend qu'elle s'est suicidée. Pour les proches de la victime, Bernard Westphal nie l'évidence. J'ai lu le dossier, je me rends compte que l'hypothèse du suicide est complètement écartée. Je pense qu'il est dans le déni depuis le début et je ne sais pas s'il y a un élément qui va pouvoir le faire craquer. Interview de Nadine Pirotton, la sœur de Véronique Pirotton, à suivre dans deux minutes. La rentrée de la Chambre aujourd'hui, parmi les premiers sujets, les pensions des députés à 67 ans, comme tout le monde. Le boom du shopping sur Internet, 4,5 milliards d'euros dépensés par les Belges durant les six premiers mois de l'année. C'est surtout les achats dans l'alimentation qui progressent. En Syrie, le cessez-le-feu est toujours respecté, mais l'aide humanitaire n'arrive pas aux victimes de la guerre. En foot, le club de Bruges entame la Ligue des Champions par une très lourde défaite, 0-3. Ce soir, 4 équipes belges en Europe League, dont le Standard et Anderlecht. Et puis nous irons faire une promenade en forêt pour voir si on entend le brame du cerf. C'est la période idéale pour assister aux bruyantes avances amoureuses destinées à séduire les biches. Le procès de Bernard Westphal ne commencera donc véritablement que lundi, mais une première audience importante a lieu, Christophe, dès aujourd'hui. Oui, ce sera la constitution du jury, 12 hommes et femmes qui devront déterminer si Bernard Westphal a bel et bien tué sa femme Véronique au soir du 31 octobre 2013 dans la chambre 602 de l'hôtel Mondo à Ostende. Michel Gretry nous explique comment est composé un jury d'assises et pourquoi sa composition peut avoir une influence sur le procès, particulièrement dans un cas comme celui-ci. Dans une cour d'assises, les jurés sont désignés sur une liste préétablie par tirage au sort. Accusation et défense disposent d'un droit de révocation pour écarter l'un ou l'autre, mais en nombre limité. Dans le dossier Westphal, si un meurtre a été commis, c'est un crime passionnel. Vaut-il mieux soumettre le cas à plus de femmes ou plus d'hommes? Les sensibilités diffèrent envers les violences conjugales en matière d'adultère. Et puis le statut de l'accusé, un ancien parlementaire aux opinions très tranchées, risque également d'influencer, selon les sympathies politiques, le vote coupable ou non coupable au moment du verdict. C'est donc peut-être déjà au premier jour que l'essentiel se joue. Même si, à l'évidence, les débats vont tourner à la querelle d'experts. Le procureur général parle d'un décès par étouffement, sans apporter de preuves véritablement incontestables et incontestées. L'ex-député évoque une mort par surdose alcoolo-médicamenteuse, sans jusqu'ici lever tous les doutes sur la chronologie chronologie des faits qui ont abouti à la découverte de son épouse sans vie dans la salle de bain de cette chambre d'un hôtel ostendais à la Toussaint 2013. 3 semaines vont être nécessaires pour départager les thèses en présence. Un meurtre donc pour l'accusation, mais pour Bernard Westphal, un suicide. Une version du suicide que ne croient pas une seconde les proches de Véronique Pirotton. Nadine Pirotton est la sœur de la victime. Voici ce qu'elle attend du procès. J'attends naturellement que la vérité sorte. J'attends ce que j'aurais voulu, c'est que Bernard soit mis face à ses mensonges et qu'il craque. Ça, ce serait mon grand souhait. Mais j'y pense moyennement, quoi. Je pense qu'il est dans le déni depuis le début et je ne sais pas s'il y a un élément qui va pouvoir le faire craquer. Si vous deviez dire quelque chose à Bernard Westphal aujourd'hui, ce serait quoi ? S'il te plaît, dis-nous la vérité. J'ai lu le dossier et je me rends compte que l'hypothèse du suicide est complètement écartée par rapport aux résultats de médicaments et d'alcool trouvés dans le sang. Il est prouvé qu'elle n'a pas pu mourir rien qu'en ingurgitant tout ça. Donc j'ai pas tellement peur. Je sais que ça va arriver et que ça peut se jouer à peu de choses, mais moi je suis confiante. Nadine, la sœur de Véronique Pirotton, rencontrée par Benjamin Carlier, composition du jury, donc ce matin au procès Westphal. L'audience commence à 9h au palais de justice de Mons. Au palais de justice de Bruxelles, le procès en appel de Jean-Louis Denis aujourd'hui. Lors de son premier procès, le prédicateur musulman avait été condamné à 10 ans de prison pour avoir incité des jeunes à partir faire le djihad en Syrie, parmi eux des mineurs d'âge. La rentrée du Parlement fédéral, c'est cet après-midi. Les parlementaires reviennent sur les bancs de la Chambre plus tôt cette année. Ils estimaient que revenir en octobre, c'était trop tard. Les questions au gouvernement recommencent dès aujourd'hui, mais la rentrée officielle est toujours fixée au deuxième mardi d'octobre avec la déclaration de politique générale du Premier ministre. L'un des dossiers de la rentrée, c'est la pension des parlementaires. Elle va être relevée à 67 ans, comme pour les autres professions. Explication de Siegfried Bratke, le président de la Chambre. On est traité comme des citoyens en ce qui concerne les pensions. On a changé la loi. Oui, en 2014. Hein. Oui. Et donc, ce serait un petit peu bizarre si on changeait la loi pour les autres sans faire de notre part la même chose. Le PTB vous reproche de ne pas avoir fait exactement la même chose que les citoyens qui voient parfois leurs droits acquis changer en cours de route. Ils prenaient des citoyens qui attendaient leur prépension et puis avec les mesures du gouvernement, ils ne l'auront pas. La réponse est tout simple. Moi, je suis rentré en 2010 en Parlement. Là, il y avait une sorte de compte avec 20 ans, ça suffit. Oui. Puis on est passé à 36 ans. Exact. Maintenant, on va à 45. On a plus que doublé la période. Nommez-moi une profession dans laquelle on a fait la même chose. Siegfried Brack, le président de la Chambre, interrogé par Bertrand Haine. Le commerce en ligne ne cesse de progresser en Belgique. Selon Bicommerce, les Belges ont dépensé 4,5 milliards d'euros dans l'e-shopping durant les 6 premiers mois de l'année. Et c'est le secteur de l'alimentation qui enregistre la plus forte progression. Alors, est-on en train de migrer vers Internet pour faire ses courses alimentaires ? Sophie Mergen a mené l'enquête. 73% des Belges font aujourd'hui certaines emplettes en ligne. Si l'achat de billets d'avion et de séjour reste les plus populaires, de plus en plus de consommateurs font le pas de faire leurs courses alimentaires sur le net. C'est le cas d'Anne-Françoise, 49 ans. C'est principalement une préoccupation de temps, histoire d'éviter les foules du samedi, les files à la caisse, et puis aussi pour éviter de se retrouver avec des caddies monstrueux. En moyenne, le Belge dépense près de 2400 euros par an dans des achats en ligne, mais les magasins n'en sont pas pour autant désertés. Avec un shopping virtuel, pas de contrôle de quantité ni de qualité, c'est pourquoi la tendance est à la combinaison entre épicerie online et magasins physiques. Baptiste Van Outrive, porte-parole de Carrefour. Il y a effectivement une progression qui est notée depuis plusieurs années, mais ce que nous voyons surtout, c'est que le client doit avoir une raison d'acheter en ligne. Ce n'est pas toujours une réduction, mais ce sont plutôt des événements. Nous l'avons vu quand il y a eu les attentats à Paris, et là, ils ont vu que ça marchait bien et ils ont continué à le faire. Et par contre, ils viennent encore toujours en magasin pour chercher, par exemple, le poisson ou le bistec préféré. En Belgique, les chiffres de l'e-commerce alimentaire restent bien moindres que chez nos voisins français, en raison d'une plus forte concentration des magasins. Mais selon Comeos, la Fédération Belge du commerce et des services, le secteur n'en demeure pas moins en plein boom. Les Belges adhèrent de plus en plus au Caddie 2.0. Du soutien pour les membres du personnel de Caterpillar Gosselies qui risquent de perdre bientôt leur travail. Le soutien de leurs collègues de Caterpillar Grenoble en France où une partie de la production belge sera transférée après la fermeture de l'usine en Belgique. Ce matin, ces travailleurs français vont défiler dans les rues de Grenoble contre une nouvelle loi française sur le travail et ils en profiteront pour exprimer leur solidarité avec Gosselies. Et demain, une délégation de Caterpillar Grenoble sera en Belgique pour participer à une manifestation à Charleroi. L'actualité dans le monde maintenant et la trêve qui est toujours respectée en Syrie. Depuis lundi soir, plus de tirs et aucune victime. Une bonne nouvelle donc, mais le souci c'est que l'aide humanitaire n'arrive pas. Les civils attendent nourriture et médicaments avec impatience dans les villes assiégées depuis des mois par l'armée de Bachar al-Assad. Les précisions d'Omar Waman dans la région. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'aide humanitaire est bloquée le long de la frontière qui sépare la Turquie de la Syrie. David Swanson est le porte-parole des affaires humanitaires auprès des Nations Unies. Il répond depuis Amman, en Jordanie. Nous avons déjà un premier convoi de 20 camions remplis de produits alimentaires qui attend à la frontière. Le principal problème est d'obtenir l'autorisation de circuler de la part de tous les acteurs de ce conflit. Donc tant que l'on n'a pas un feu vert de tous, on attendra. Nous ne voulons pas mettre en danger nos chauffeurs car dans cette zone de guerre, tout peut arriver. Des désaccords entre belligérants et des tirs sporadiques empêchent pour l'instant la livraison de cette aide. Mais pour les 250 000 habitants des quartiers rebelles d'Alep, la situation est insupportable. Ibrahim, père de trois enfants, a envoyé ce message via WhatsApp. La situation est dramatique. Depuis le début du siège, nous sommes coupés du monde. Rien n'entre, rien ne sort. La vie est misérable pour tout le monde ici à Alep. Devant l'urgence, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a demandé à Washington et à Moscou de faire pression sur leurs alliés respectifs afin de débloquer la situation. Omar Waman de France Info depuis Beyrouth au Liban. Hillary Clinton reprend sa campagne aujourd'hui après quelques jours de repos pour soigner sa pneumonie. La candidate à la Maison-Blanche se rend à un meeting en Caroline du Nord. Pour rassurer, son médecin a sorti un nouveau communiqué. Hillary Clinton est en bonne santé et apte à servir comme présidente. Il est 8h10, c'est le 8-9 Sport, avec cette défaite du club de Bruges pour sa première sortie sur la scène européenne cette saison. Ouais, et une lourde défaite, 0-3 face aux Anglais de Leicester, une entrée en matière catastrophique pour le club de Bruges, David Bertrand. Oui, Christophe, soirée un peu cauchemardesque, il faut bien le dire, pour les Brugeois. Pas ou peu d'occasions hier soir et 3 buts encaissés avec chaque fois clairement la responsabilité du gardien Butel engagé. Le club de Bruges de Michel Preud'homme qui vit décidément un début de saison compliqué, il est en difficulté en championnat, il comptait sur la Champions League pour se relancer. Et là, c'est tout le contraire qui s'est produit hier, d'autant que le club a perdu Engels sur blessure, épaule en vrac et indisponibilité de plusieurs semaines. La seule note positive de la soirée qui laisse un peu d'espoir aux Brugeois, c'est le résultat de l'autre match du groupe, le match nul entre Porto et Copenhague, les deux prochains adversaires de Bruges dans cette phase de groupe. Et ce soir, place à l'Europa League avec 4 clubs belges. Oui, 4 clubs en phase de groupe de cette Europa League. C'est historique. La Gantoise se rend à Braga, Genk se déplace à Vienne. Un match à domicile par contre pour le Standard et Anderlecht. Le Standard face aux Espagnols du Celta Vigo et les Bruxellois face aux Azeris de Kabala. Des matchs qui se disputeront devant un public assez clairsemé. À peine la moitié des places vendues à Liège comme à Bruxelles. Les premiers tours de Coupe d'Europe en semaine ne font décidément pas recette. En basket, les Belgian Lions sont assurés de disputer leur 4e euro consécutif l'été prochain. Ils ont validé leur ticket hier soir en battant facilement la Suisse 87-49. Le manager sportif Jacques Stas. Mission accomplie, une nouvelle génération, un nouveau cycle, un grand challenge pour se qualifier pour un 4e euro, mais réalisé de la plus belle des façons avec un 5 sur 5, peut-être un 6 sur 6 en vue, un groupe solidaire, le public qui a commencé à accrocher, le basket sur des chaînes publiques. Je vais dire que là, on peut vraiment être satisfait de cette campagne. On est une des premières équipes à être qualifié pour l'Euro, à part les équipes évidemment organisatrices. C'est vraiment pas mal pour la Belgique. On peut repartir, on peut compter et faire un nouveau programme vraiment pour se préparer sereinement pour cet Euro 2017. Jacques Stas au micro de Pierre Capard. À Rio, Joachim Gérard ne sera pas champion paralympique de tennis en chaise. Le Brabançon a perdu sa demi-finale en 2 manches face au jeune Britannique Hewett. Joachim Gérard peut encore décrocher une médaille puisqu'il disputera demain le match pour la médaille de bronze face aux Français Oudet, numéro 1 mondial. Une médaille d'argent aussi pour Michel Georges en para. Équitation, Michel Georges, double championne olympique de 2012. Et puis comme promis Christophe, le petit tour en forêt. Oui, parce que la période du brame du cerf a commencé dans les forêts wallonnes. Le brame, c'est ce cri inimitable du cerf amoureux. Baptiste Hupin et Julien Bader sont allés à Freux, dans la commune de Libramont, hier soir, dans l'espoir d'entendre bramer le cerf. Pour espérer l'entendre, première règle, rester discret, ne surtout pas hausser la voix. Ici, en fait, on rentre dans la maison des cerfs. À partir du moment où on passe la barrière, on rentre dans leur domaine. Donc quelque part, on doit se faire les plus petits, les plus discrets possibles, se fondre dans la nature, très naturellement, et qu'on parle déjà moins fort. Deuxième règle, venir au bon moment. Chaque année, à la même période, invariablement vers le 15 septembre, les cerfs entonnent leur chant amoureux. Jean-Christophe Delatte, guide nature. En fait, ce qui déclenche le brame, comme beaucoup de choses dans la nature, c'est l'intensité lumineuse. Lorsque la température, mais surtout la lumière diminue, il y a une surproduction de testostérone. C'est ce qui déclenche d'ailleurs le brame. Il faut trouver ensuite le bon endroit. Une clairière, une pâture en lisière de forêt, regarder le soleil se coucher, sentir la fraîcheur tomber et patienter. Les cerfs se toisent, rivalisent, poussent leurs plus beaux cris dans l'espoir d'attirer les femelles. Le brame, c'est la période de reproduction du cerf. C'est le rut, le cri qui est poussé par donc le cerf pour évidemment marquer son territoire, prendre possession d'une place de brame et également chasser les intrus. C'est un cri d'intimidation. Cette période de rut dure un petit mois, quelques semaines au cours desquelles les cerfs fécondent plusieurs biches et font résonner les forêts ardennaises de leurs cris profonds. Et Jérôme le tient bien, le brame du cerf. Allez-y. Je ne vous en ferai pas profiter. Je voudrais que ça reste dans la sphère privée. C'est une question d'argent. Une question d'argent. Ne me réduisez pas à cela. Enfin, vous savez faire le pigeon qui roucoule, David? Oui, c'est pas mal. Vous savez faire le cochon en rut, Sarah? Voilà. Alors, Jérôme, vous ne deviez même pas lui demander. Non, elle le fait souvent, c'est vrai. Qui est notre invité tout à l'heure? C'est Emma Domas. Vous vous souvenez de cette jeune fille qui avait fait la Star Academy? À l'époque, elle chantait. Elle a disparu de la scène musicale et maintenant elle revient avec un bouquin qui s'appelle Supernova et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va d'abord s'inscrire aux auditions de Starcatcher, un espèce de Star Academy local. La jeune fille Annabelle va gagner Starcatcher et puis découvrir le business, les problèmes amoureux, les problèmes avec la presse. Ça ressemble à son histoire quand même. Emma Domas est notre invitée tout à l'heure. Il est 8h15, Cactus. Jérôme, des perquisitions ont donc eu lieu cette semaine à l'hôtel communal de Mons. Mais parfaitement, Benjamin. Ruyen Dudunderdech, Allemalen, Elio, Femel. Nous en saurons plus lors d'une conférence de presse programmée à 10h ce matin. Et déjà, Christophe, grand dilemme journalistique. Que choisir, puisqu'à 10h se tiendra en sus la conférence de presse annonçant le nom du bébé panda de Paris Days. Ah, bon, quelle gageure cornélienne d'ainsi couvrir tous ces grands sujets internationaux ennuyés. Je vous rappelle que les internautes avaient le choix entre 5 propositions. Tianbao, Xing Ao ou Xing, Yuali ou Antoine. Prénom André, sans doute, on ne sait pas, avait été retiré de la liste le prénom Elio, puisque tous les votants lui préféraient systématiquement celui de Raoul. Non, Raoul et Debeau ne doit pas en prendre ombrage, mais le régime chinois a refusé que le petit urcidé soit baptisé du prénom d'un homme encore plus à gauche qu'eux. La police fédérale est donc intervenue au service des étrangers de Mons. Enfin, je veux dire au sein du service des étrangers de Mons. Je le précise in fine, car je voyais déjà une partie de notre auditorat froncer le sourcil en disant, pour une fois que la police est au service des étrangers. Dénigrant pour Elio Di Rupo, la police étant à son service depuis la mort de Charles Quint. La stupéfaction était totale hier de la part des citoyens traînant dans les parages administratifs et puis la colère aussi. Vous débarquez au guichet de bon matin, 8 personnes vous y précèdent, vous avez le ticket 584 et on sert le 12. À 15h58, votre tour est enfin venu et au moment où vous adressez la parole au guichetier, il se fait coffrer par la police. Ça, c'est quand même pas de bol. Hein. Lorsque la police intervient dans l'administration, c'est l'autorité qui s'attaque à l'autorité. Ils fonctionnent entre eux. Ils n'ont plus besoin de nous, si ce n'est pour notre argent. Tout lien avec la famille royale est évidemment voulu. Les mains en l'air, ont-ils crié au sein du service montois concerné. Il a fallu un peu de temps pour convaincre les personnes présentes, parce que ça fait plus d'un an et demi Elodie Roupeau demande de ne jamais mettre les mains en l'air dans sa commune, et ceci pour éviter d'effleurer, de toucher ou de faire s'effondrer tous les brawls d'Arnequins. 12 personnes ont été interpellées. 12, quelle forme nos policiers, des manchots qui réalisent des exploits de cette ampleur, c'est l'effet paralympique. L'effet, un employé aurait distribué des faux titres de séjour contre rémunération. Ça, c'est déjà complètement dingue. Des types paient pour habiter dans le Hainaut. Ils vont apprécier. L'histoire ne dit pas si l'on avait ensuite 7 jours ouvrables pour renoncer à son achat après avoir réalisé la situation ou qu'on ne trouvait pas la nouvelle gare, par exemple. D'après la police, nous avons affaire ici à une filière permettant à des personnes venues d'Afrique d'obtenir des permis de séjour illégalement. Et ça n'a aucun lien avec le football. Et ça, c'est... Maintenant, tout cela ne me surprend guère. Je me doutais bien que l'octroi de titres de séjour à Mons était louche. Prenez les pandas, ils n'y sont certainement pas arrivés en montrant patte blanche, par exemple. Après, on ne peut pas blâmer les étrangers. Obtenir le titre de séjour en étant un parvenu, c'est déjà faire preuve de bonne intégration dans la culture belge. Et puis, être exploité économiquement par une administration, c'est aussi montrer son soutien total à la population. Certains employés distribuaient de faux contrats d'emploi, et c'est sans doute cela qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, parce qu'un contrat d'emploi dans le Hainaut, enfin, c'est quand même... Ça suffit maintenant. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui, jusqu'au bout. Mais je ne vous demande. Mais je le sais, mais je le dis quand même. Les 12 hommes se sont laissés emmener par la police avec une soumission telle que si l'on n'y prêtait pas attention, on pouvait croire qu'il s'agissait du match Bruges-Leicester. Dégâts collatéraux de taille, le cœur d'Elodie Roupeau saigne si abondamment ce matin que la Croix-Rouge a fait des réserves de plasma pour 5 ans. En effet, lors des perquisitions, les enquêteurs ont indiqué vouloir trouver avant tout les PSA Conviction. Oh là là, les 12 personnes ont été... Non mais c'est bien. Je fais un cri, je fais le brame du cerf. C'était le brame du cerf. Les 12 personnes ont été privées de liberté pour audition. Le dossier a été nommé The Voice Mons, puisqu'on il fait cas d'auditions de types qui en faisaient chanter d'autres. Je vous remercie de votre attention. David et moi, nous vous retrouvons ce soir pour le retour du Grand Cactus sur la 2, où il y aura d'autres blagues du même type. Encore pire Sans doute, dès 20h15 avec toute la petite bande. Voilà, et vous allez dire tout le temps, je ne suis pas d'accord. Vous dites Non, mais c'est parce que j'ai travaillé à l'administration communale, donc je sais que bon, maintenant, il y a toujours des petits... Voilà, mais ça ne change pas la masse qui est correcte. David, si vous savez des choses, je serais mieux comme une tombe. C'est maintenant qu'il faut parler. Je dis que voilà, il faut généralement pas, vous faut avouez pas tout toujours. Le monde dans le même sac. Voilà. David, est-ce qu'on a été sur la Lune en 69? Je ne sais pas, il faut demander à Stanley Kubrick. Il sait des trucs, il sait des trucs. Il sait plus de choses. Il sait des trucs. Bon, dernière tournée de protestation sur le Hainaut, Sarah? Non, c'est bien le Hainaut. Ah voilà, c'était la dernière tournée. Non, c'est vrai. Mais évidemment. Oui, c'est ça, rattrapez-vous. J'en connais un qui est mal à l'aise. Mais pas du tout. J'assume tout ce que je dis. C'est plus moi qui écris depuis longtemps. Écoutez, mes amitiés André Lamy dans ce cas. Bon, 8h20, c'est ça le 8-9. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. On va sur la route à 8h21 avec Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, ce matin, pas mal de monde sur la E40. Oui, il faut être patient hein, sur les deux E40, d'ailleurs, celle qui vient de la mer comme celle qui vient de Liège. Alors, à la fin de cette E40, d'ailleurs, à Reyers, on a beaucoup de fil pour aller vers le centre, également pour aller vers Montgomery, hein, à cause de ce gros chantier qui est loin d'être terminé. Alors, pour le reste, sur le Rigossi, on a pas mal de monde entre Braine-l'Alleud et les quatre bras de Tervuren, et sur la petite ceinture, les fils habituels pour aller vers le midi. Alors, je vous rappelle également, faites attention si vous dépassez par le boulevard de la Volue, car le tunnel de la Volue est encore toujours fermé. Merci Serge pour les bons conseils. On vous rappellera tout à l'heure, après le journal bruxellois de 8h30. En attendant, prudence évidemment sur la route. Et n'oubliez pas, c'est vous qui apportez le prochain petit déjeuner à Bruxelles Matin. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo.

Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas? Ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés? Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rossin-Genèse. Vivacité présente. Commissaire Trafic, comment ça se passe sur la route? Alors vous perdez 3 jours sur la E421 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur la E124. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce jeudi. Bernard Westphal va entrer une première fois ce matin dans la salle de la cour d'assises de Mons. Pas encore d'interrogatoire, mais une première audience pour composer le jury qui devra statuer sur le sort de l'ancien député wallon. Bernard Westphal est accusé d'homicide volontaire sur sa femme Véronique Piroton. Il nie les faits. Pour lui, sa femme s'est suicidée. La rentrée des députés fédéraux, un retour à la Chambre plus tôt que d'habitude, mais la déclaration de politique générale du Premier ministre est maintenue au deuxième mardi d'octobre. En sport, très mauvais départ pour Bruges en Ligue des Champions, 0-3 hier soir à domicile face aux Anglais de Leicester. En Europa League ce soir, 4 clubs belges dont le Standard et Anderlecht. Ah, c'est fini la samba, mais pas tout de suite. Hein. Ce matin, on garde un ciel très ensoleillé avec 30 degrés de maxima. Par contre, cet après-midi, on reparle quand même de pluies, d'ondes orageuses qui vont traverser le territoire. Il y a donc une vraie chance de croiser la petite goutte ou le ciel gris. Fini la samba, après-midi donc. 8h30. S'informe en région. Bonjour Bruno Schmitt. Bonjour à toutes et tous. Ouvrir le robinet ou lancer une machine à laver va-t-il bientôt vous coûter plus cher? Le prix de l'eau devrait peut-être bientôt augmenter à Bruxelles. C'est Yvan Mayer qui le dit, le bourgmestre de Bruxelles-Ville et patron de la future intercommunale unique de l'eau, estime qu'il faudra sans doute monter les prix pour pouvoir financer la modernisation du réseau. Une hausse dont la ministre régionale de l'Environnement, la CDH Céline Frémaux, ne veut pas. Et qu'en pense écolo dans l'opposition? Eh bien écoutez le bruxellois Arnaud Pinksteren, spécialiste du dossier. Ce n'est pas à exclure effectivement qu'une augmentation du prix soit nécessaire, mais donc il faut essayer de trouver le juste prix en fait, et ce juste prix ne pourrait être déterminé que sur base des coûts avérés et éventuellement aussi des gains de productivité qui pourraient être trouvés au niveau des structures industrielles de Vivacqua. Donc d'ailleurs dans un rapport d'audit KPMG souligne que effectivement il y a moyen sans doute de gagner en productivité au niveau de la structure. Donc je pense qu'il y a un exercice à faire des deux côtés, c'est-à-dire réfléchir à une augmentation qui soit raisonnable et juste, mais aussi réfléchir à une productivité et à une efficacité des structures qui soit aussi également optimale. Et justement, des responsables du folklore estudiantin qui vantent la consommation d'eau, ce n'était pas gagné d'avance. Pourtant, l'association Modus Vivendi a réussi à instaurer un programme de prévention des risques liés à l'alcool. À l'ULB comme à Saint-Louis, ce sont des étudiants, des cercles qui distribuent l'eau pendant les soirées, qui cadrent les personnes qui ont trop bu et qui informent aussi des risques moins connus comme les dommages et des excès d'alcool sur le cerveau. Pierre Waits et Laura Faure ont participé. Ils sont convaincus que limiter les excès ne bride pas la fête. Je pense que l'alcool fait partie de la vie étudiantine, mais pas la surconsommation d'alcool. Donc oui, bien sûr, on va continuer à boire en soirée, mais je pense que si on peut donner le message qu'il faut quand même rester responsable et pas d'être ramassé à la petite cuillère, ben, c'est une bonne idée. Réduire les risques, en fait. Exactement. Et puis, en même temps, ils profitent plus de leur soirée s'ils s'en souviennent, quoi. La fête est tout à fait respectée pour ce qu'elle est. C'est vraiment les excès qui sont ciblés. Et ce n'est pas, le but n'est pas de dire que ce n'est juste pas bien. C'est proposer des choses en plus pour améliorer les fêtes. La présidente des cercles de l'ULB et le vice-président du Cercle Saint-Louis interrogé par Myriam Ball. Ce programme de prévention, ses publications et sa présence lors des soirées sera étendu à d'autres campus bruxellois cette année. Tout cela en cheville avec les étudiants. Les victimes des attentats du 22 mars devraient finalement être indemnisées à 100%. C'est une information révélée ce matin par le journal La Dernière Heure. 100%, Jérôme Durand, c'est plus qu'annoncé jusqu'ici. Le comité sinistre terrorisme en charge du dossier avait jusqu'ici scindé les indemnisations en fonction du type de dommage. Voilà ce qui était initialement prévu, 100% d'indemnisation pour les dommages corporels, 50% pour les dommages matériels et 0% pour les dommages moraux. Une distinction dont la raison était financière. Oui, le groupement d'assurance créé dans la foulée des attentats de Malbec et Zaventem dispose d'un budget d'1,2 milliard d'euros. Cela suffira-t-il pour indemniser tout le monde à 100%? Le comité sinistre terrorisme avait jusqu'à présent du mal à l'évaluer, d'où ses précautions. Mais il semblerait finalement que oui, les dommages corporels mais aussi matériels et moraux devraient être intégralement indemnisés. Selon l'ADH, une décision informelle a été prise en ce sens et sera officialisé lors de la prochaine réunion de ce comité. Merci Jérôme Durand. Et puis c'est un jugement attendu qui sera rendu ce matin au tribunal correctionnel de Bruxelles, celui des membres de la secte présumée d'inspiration bouddhiste Okase, un dossier vieux de 20 ans avec des faits graves reprochés au gourou Robert Spatz. Roland Brunel. Le prononcé du jugement sera long, très long, sans doute à l'ibinge de ce qu'auront été l'enquête et l'instruction dans ce dossier. Car c'est en 1997 déjà qu'une vaste opération de perquisition à Bruxelles allait ouvrir ce dossier de la secte présumée d'inspiration bouddhiste Okase. 18 ans plus tard, devant le tribunal correctionnel, personne ne s'est donc étonné que les avocats de la défense dénoncent et plaident le dépassement du délai raisonnable, ce délai dans lequel tout prévenu a le droit d'être jugé. Et voilà qui, tout à l'heure, pourrait peut-être réduire à peu de choses un dossier dans lequel pourtant les préventions sont nombreuses pour les 10 personnes physiques et morales poursuivies. Une centaine au total qui parlent d'escroquerie, de délits financiers et même de faits de mœurs pour le principal intéressé, celui que l'on qualifie de gourou, Robert Spatz. Certaines parties civiles lui reprochent d'avoir, lorsqu'elles étaient enfants et cloîtrées dans une institution du Midi de la France, d'avoir procédé à des attouchements. À son encontre, le parquet a requis 13 ans de prison. Son avocat a lui plaidé l'acquittement. Au procès, Robert Spatz était absent. À 71 ans, il vit dans le sud de l'Espagne. Aujourd'hui, pour le prononcé du jugement, il ne sera certainement pas là. Football, après la Ligue des Champions et la lourde défaite de Bruges 0-3 hier face à Leicester, place ce soir à l'Europa League, une compétition qu'Anderlecht débute à domicile et face à un adversaire qui ne vous dit sans doute pas grand-chose, le club d'Azerbaïdjan de Kabala, un inconnu dont se méfie le coach des Mauves, René Weiler. Ça c'est dangereux, hein, parce qu'on ne connaît pas bien, c'est pas un gros nom, mais quand même c'est une équipe qui a aussi passé contre Lille, contre Maribor. Ils ont déjà joué des dernières années au Euroleague. Ils ont aussi fait des bons matchs contre des bonnes équipes. Ça, c'est une bonne équipe. On a beaucoup de bonnes équipes et ça va être un match très difficile. Mais on a un grand but de gagner ce match-là. C'est une équipe qui défend bien, qui joue bien aussi le ballon. Et il faut trouver, comme toujours, aussi à la maison, le chemin vers le but, essayer de créer des occasions et aussi, si c'est possible, de marquer 1, 2, 3 buts pour gagner ce match-là. Une interview de Manu Jus. Le coup d'envoi est fixé à 19h au stade Constant Van den Stock et l'invité du jour sur BX1 sera le bourgmestre de Schaerbeek, député bourgmestre Bernard Clairfailly. Rendez-vous avec lui en télé vers 12h45. Il est 8h36. 9h, c'est vous qui le dites, et trois débats sur la table. Désormais, tout le monde pourra allonger sa carrière et donc augmenter sa pension en rachetant ses années d'études supérieures. 1 500 euros l'année. Est-ce que vous achetez? C'est nouveau. À Rhodes-Saint-Genèse, en 48 heures, deux enfants ont failli être enlevés. La police prend ça très au sérieux. Les écoles envoient des mises en garde. Que doivent faire les parents de Rhodes? En 48 heures, deux tentatives. Et puis d'après la cellule hormone de la police, dans les salles de sport, on vendrait de plus en plus de trucs pour augmenter la masse musculaire, hashtag stéroïdes. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des dealers dans nos salles de sport? Zoé Boss au standard ouvert. Oui, c'est comme moi, votre collègue vous a offert des viennoiseries. Posez votre pain au chocolat et composez le 070-233-466 ou le 30-63-57 ce par message. Vous voulez participer au débat, mais vous ne vous souvenez pas très bien des sujets de cette matinée, consultez la page Facebook de C'est vous qui le dites. Comment ça roule à 8h37? On va demander à Serge, notre motard Europe Assistance. Rebonjour Serge, vous êtes où? Rebonjour, je suis Chaussée de Louvain. Je viens d'ailleurs de croiser un de vos anciens collaborateurs. Je ne vous dis pas lequel parce que c'est un transfuge, il est parti à la maison d'à côté. Ah bah bon. Dites donc, un bisou de notre part. Voilà, c'est non, fait. Non, je l'ai croisé en voiture, il m'a même pas vu. Bon, alors voilà, je suis donc pas loin de l'RTBF. Je suis passé sur la E40 il n'y a pas longtemps à la fin où il y a beaucoup de monde pour aller vers le centre et vers Montgomery, hein, à la fin de la E40, un peu avant les tunnels Reyers. Ce défi, on a également. À partir de Bautersen, sur cette même E40, à partir d'Alof, si vous venez de la mer, ring bien chargé, surtout côté extérieur, entre Braine-l'Alleud et Terre-Uron. Merci Serge. Plus que d'habitude. Merci beaucoup, prudence. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different. Be Infiniti. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW série 2 Active Tourer Edition à partir de 27 400 €. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Moi, j'aime recevoir les amis, les voisins. Et grâce à notre délicieux rôti de carré de porc, vous allez aussi recevoir des compliments. Ah ouais, monsieur Marc, oh que vous êtes beau et tendre. Enfin, petit, c'est de moi que tu parles. Non, c'est du rôti, voyons. Ah oui. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre délicieux rôti de carré de porc est à 5,99 € le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Vivacité présente en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Encore un hors-série Télépro, les meilleurs trucs et astuces de grand-mère. 250 bons plans pour entretenir la maison, le jardinage, la cuisine, la santé ou les nouvelles technologies. Des formules parfois oubliées avec des ingrédients peu coûteux, naturels et faciles à trouver. Hors-série Télépro, les meilleurs trucs et astuces de grand-mère, actuellement en librairie. Tu l'as lu, t'as tout vu. Avec un relooking que tous les malades de ce pays suivront attentivement, puisqu'on relookera tout à l'heure la ministre de la Santé, qui a donc changé le système des allocations maladie. On gagnera un petit peu moins désormais. Elle s'appelle... Maggie Debloc. Et vous allez relooker un sourcil avec... Non, je vais faire, on va équilibrer donc ces sourcils. Je vais parler des visages boursouflés, donc c'est clair, pour diminuer avec des remèdes naturels. Et encore deux, trois petites choses au niveau vestimentaire. Bon, n'oubliez pas le Kikadi, évidemment, tout à l'heure. Vous inscrivez au 3063 SMS, je veux jouer, 50 centimes le message, puis vous indiquez nom, prénom... Coordonnées complètes. Attention, quiz. Emma Domas à la Star Academy. Quelle année? Il faut faire un petit effort de mémoire. 2000, Sarah. C'est la deuxième année. Quelle année? Elle est. Quelle année? Elle a participé à la Sarah quand la deuxième année en 2000. Alors, j'avais 2002. 2002. Oui, madame. Ouais. Bon, Emma bravo. Domas. Vous vous souvenez de la petite blondinette toute jeune qui après a chanté ça? C'était génial. Ah, c'était un carton, et puis Emma Domas a un peu disparu, il faut le dire, de la scène musicale, et on la retrouve ce matin avec un bouquin qui s'appelle Supernova et qui raconte l'histoire d'Annabelle, 16 ans, qui va s'engager dans la compétition de Star Catcher, un genre de Star Academy. Emma Domas est en ligne ce matin, bonjour. Bonjour la Belgique. Bonjour ma belle. Enfin des nouvelles, vous avez 15 secondes pour nous résumer ce qui s'est passé entre tu seras et l'écriture de bouquins. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Ah non, mais alors attendez, vous en avez loupé quelques-unes quand même. Hein. Tu seras, c'était il y a fort longtemps. J'ai sorti 3 albums. J'ai fait des tournées jusqu'en 2010. Et ensuite un album pour enfants. Ouais. Combien de maris, combien d'enfants, combien d'amants dans cette période? Oh, que, déjà dès le matin. C'est ça. Je sens qu'elle compte en même temps. Bon, alors, je passe les étapes pour en arriver à ce bouquin. On vous retrouve donc avec Supernova, voilà, et vous racontez l'histoire d'Annabelle qui va donc s'engager dans ce concours de chant Starcatcher. On fait le début. On est dans le village de Villeneuve-lès-Avignon et elle interprète dans une fête de village. C'est là qu'on va la repérer. La foule d'Édith Piaf. Pourquoi vous faites chanter à cette petite jeune fille la foule d'Édith Piaf? Parce que je voulais qu'elle ait pour référence de départ les grandes chansons, le grand patrimoine, celui qui, moi, me touche beaucoup. Et puis qu'effectivement, en plus, il y a un message dans cette foule dans laquelle on trouve le bonheur et puis on le perd. Voilà, c'était une métaphore de ce qu'elle allait vivre par la suite. Parce qu'évidemment, on se demande si ça, c'est pas un peu l'histoire de la petite Emma Domas. Dans vos premiers concours de chant, vous chantiez aussi la foule où cette Annabelle n'a rien à voir avec vous? Non, non, moi je chantais pas la foule, mais évidemment que je me suis beaucoup inspirée de ce que j'avais pu vivre et de mon parcours. Cela dit, j'ai voulu vraiment faire un personnage d'aujourd'hui. Annabelle est une jeune fille d'aujourd'hui, avec ses ambitions, avec son propre parcours, avec évidemment ses propres tribulations. Ah ben on découvre que c'est trash quand même, parce qu'elle débarque seule à Paris donc pour les premiers castings, et là on voit qu'on lui sert pas la soupe, donc on l'a repérée dans le petit village, et là on lui dit « ouais, tu vas voir, c'est bien », puis elle arrive à Paris toute seule, et là ça y va. Il y a une assistante dans la production qui lui dit « qu'est-ce que tu croyais? Vous êtes nombreux à vouloir attraper le rêve », et puis on la teste, on lui dit « ouais, tu viens de province, les chances sont minces ». C'est dur quand même, l'accueil est brutal pour cette petite jeune fille. L'accueil est brutal, mais censé la mettre dans le grand bain très vite. Effectivement, c'est un test pour savoir si elle a le mental. Parce qu'effectivement, ils sont tous, beaucoup de jeunes adolescents rêvent de prendre cette place. Ah ouais, vous avez connu ça, Sarah, ce moment où dans les castings, tout le monde se regarde d'un coin de l'œil. Parce que là, Annabelle, elle se fait dévisager par celles qui sont déjà habituées à des castings. Vous avez il y a une drôle d'ambiance, et puis il y a des rires forcés, il y a des fausses sympathies aussi. Ça va, toi? On rit très fort parce qu'on est mal à l'aise. Mais je crois que c'est ce qu'on subit tous les jours. Hein. Il ne faut pas de casting pour ça. Quand je vous dis ça va, c'est pour mais ça que non, vous ricanez. Mais je veux dire, c'est courant, ça fait partie de l'hypocrisie de la vie. Ça va, toujours été pris directement pour tout. Oui, mais je pense effectivement que ça fait partie d'une hypocrisie ambiante qui est particulièrement cultivée dans le milieu du show business et du spectacle, dans le monde du spectacle. Alors, il y a quand même un truc qui est positif, et ça, je me dis que vous avez dû le vivre aussi, c'est donc, elle arrive dans Starcatcher, elle passe les étapes, elle devient un petit peu, si pas professionnelle, très aguerrie, et alors il y a ce très beau moment où elle se découvre comme étant une vraie machine, elle se découvre des capacités insoupçonnées, et la voilà en machine de guerre. Vous avez eu ce moment où on se sent, si pas invincible, terriblement mature et prête? On se sent invincible, oui, effectivement, parce que le corps et le mental progressivement s'habituent et prend une forme insoupçonnée et développe effectivement des capacités complètement insoupçonnées. Et là, effectivement, c'est un moment assez jouissif, parce qu'on se sent pousser des ailes. Bon, et après, évidemment, ça bug, parce que là, je raconte le début de l'histoire, mais après, ça bug. Alors, il y a l'histoire de l'amoureux, elle tombe, David, amoureux, après, pas du gentil, non, du mec qui est mi-voyou, mi-poète, mi-dandy. Mais comme tout le monde, on est tous tombés sur un gars comme ça. Ça attire tellement. Pas tous. Ben ouais, ben vous avez connu ça aussi, Sarah, tomber amoureux du sale type, du mi-voyou, du petit... Elle est toujours avec, David. Ah non, mais en fait, non, pas trop. Heureusement, j'ai eu cette chance-là. Donc, c'était chaque fois des chic types. Mais alors vous n'avez pas eu de vie. Mais non, mais c'est une... Mais quand on est amoureux comme ça, d'un voyou, on s'abîme très très fort. Hein. Mais oui, et puis elle va s'exposer aux médias avec son homme, Emma Domas. Enfin, c'est le début de la décadence, je raconte pas la fin, mais il y a ce moment où elle fait n'importe quoi, la jeunette. Disons qu'au bout d'un moment, la machine à broyer étant en marche, je suis allée dans absolument, j'ai poussé les curseurs à leur maximum dans tous les mécanismes de destruction qui vont s'en suivre. Parce que bien sûr, c'est la naissance, mais c'est aussi la mort programmée de cette star éphémère de la télé, du télécrochet. Ouais, c'est d'ailleurs une des premières phrases du bouquin, « Si les étoiles naissent, David ». Elle meurt aussi. Aussi. Et je félicite sa couverture parce qu'elle est très contemporaine. Très, bravo. Très, très, très belle couverture de bouquin. Les hommes de la table ont bien aimé ce personnage un peu encre de Chine voilée comme c'est ça. C'est magnifique. Très, magnifique. Très belle couverture. Vous êtes blonde ou brune en ce moment, Emma Domas? Pardon? Vous êtes blonde ou brune? Vos cheveux? Vous êtes blonde ou brune? Ah, on l'a coupé. Elle a raccroché. Alors ça, c'était la question. Ah non, je suis là. Pardon, eh ben, vous êtes blonde ou brune? Oh, ben, je suis blonde. Je suis maintenant, je sais pas, blonde foncé. Ok, pas, ben voilà, c'est parce qu'on rappelle ça comme ça. On vous a connu blonde, il n'y a pas de piège. Emma Domas, ça s'appelle Supernova. C'était la question la plus compliquée. Vous l'avez mis mal à l'aise. Du quart d'heure. Bonne journée, Emma Domas. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Raccroche. J'ai pas demandé son âge, j'ai demandé sa couleur de cheveux. On peut pas demander. Il y a eu un problème technique. Vous savez, moi, vous me demanderiez ça, par exemple. Ça serait gêné. Vous êtes blonde ou brune? Comment? Vous êtes blonde ou brune? Moi, je suis. Cette question, elle est grise. Kika. Mais je vous en prie. Elle est grise. C'est pour ça qu'on l'appelle. Alors ce matin, oui, peut-être. La grisette. Ne bougez pas, la grisette. Il y a un Kika dit après la pub. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Pendant les Audi Days, tout est exceptionnel. Les conditions sur l'Audi Q3 sont exceptionnelles. Le sentiment de liberté qu'elle dégage est exceptionnel. Exceptionnel aussi, le système BSI. Boost de sensations irrationnelles. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q3 super équipé à partir de 31 450 euros ou 229 euros par mois en personnel lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Ce samedi et ce lundi chez Brico, tout est à moins 15% avec la carte de fidélité Mon Brico. Moins 15% avec la carte Mon Brico. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Pour les makers, Brico. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15 euros à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Dayway Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meis et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meis et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dayway Car Center. Le 8-9. Mesdames et messieurs, nous sommes à Liège. Bonjour Blaise. Bonjour. Vous êtes blond ou brun? Moi, je suis châtain. Ah, châtain, ouais, voilà. Ouais. Ça vous plairait d'avoir quelques mèches grises pour être un peu dans le vent et homme à femme? Vous êtes un homme à femme, Blaise? Ben, j'espère. il dit pas non. Vous croyez que vous êtes le genre de Sarah? Bon, pourquoi pas? Ah, ouais, ça. Ah, si vous êtes à l'aise. À l'aise, Blaise. Et j'imagine que nous sommes les premiers à vous le faire, bien sûr. Oh non. Mais j'avais d'autres trucs en tête, moi, mais je vais laisser tomber. Oui, non, moi aussi. C'est pour ça que je parlais de tout de rien, surtout de rien. Qui qu'a dit, Blaise, et vous pourrez choisir l'aide d'une seule personne autour de la table. Qui qu'a dit, j'ai failli crever d'une septicémie en partant d'une banale opération dentaire. J'ai failli crever d'une septicémie en partant d'une banale opération dentaire. Qui qu'a dit ça? Jean-Marie Bigard, qui a failli y passer. Didier Barbelivien, qui a failli y passer. Ou Prince Laurent, qui a failli y passer. Blaise, voulez-vous l'aide de Jérôme, de David ou de Sarah? Oh, j'ai de l'aide de Jérôme. Jérôme. Bon, alors, je sais que Jean-Marie Bigard a eu de gros problèmes, mais je ne crois pas que c'était dû à une septicémie. Alors, vous dites mais qui dites-vous? Je dirais Didier Barbelivien. Ouais, bon, vous êtes libre, sans Blaise. Sans trop de conviction. Vous êtes libre de suivre ou pas suivre? Ben, je ne sais pas trop, mais je vais suivre son conseil. Je vais dire Barbelivien. Ah bon, ouais, c'est bien Jean-Marie Bigard qui a eu un malaise sur scène le 14 août dernier. Ouais. Non, excuse-nous. Ouais. À force de raconter des saloperies, on en a. Blaise, on aura quand même eu du plaisir. Je garde le cadeau et vous imposez un mot à Jean-Luc Fonck, le mot que vous imposez. C'est papillon. Pourquoi? Comme ça, comme il était beau. C'est l'actualité à Mons, là, actuellement. Non, non, et puis c'est le logo de Viva aussi, le papillon. Ah oui, pardon, oui. Ah ouais. Oui. Le truc qui vole, c'est un papillon sur le logo. Oui. Merci Blaise d'être passé ce matin. À la prochaine. De rien. À la prochaine, au revoir. Salut Blaise. Au revoir, Blaise. Merci beaucoup. Et de rien. Merci beaucoup. Non. Question d'intérêt général et relook dans un instant de Madame de Bloc. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival International du Film Francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites-le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Va, m'ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthénamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthénamut, on vous simplifie la santé. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises. Le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique, les taux qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79 euros seulement sur moustique.be/rentrée. Jusqu'à 9h, le 8-9. Alors, monsieur de bon conseil, voici la quig. Oui, non, mais encore toutes mes excuses, Blaise. Cette nouvelle station pour le métro bruxellois, comment nommeriez-vous ce nouveau réseau? Jean-Marie Langlais propose Métro Goldwyn Mayer. Pas mal. Pour Metz Farfaire, Jean Cinéma. Benoît Demain, le réseau Gainsbourg, parce que je vais et je viens en souterrain. Bravo, Benoît. La quig du jour, comment rebaptiseriez-vous la maison communale de Mons après les perquisitions au sein de l'office des étranges? Bon, vous répondez sur la page Facebook du 8-9. À tout moment, on corrige ça ensemble demain. Et puis, si vous êtes sur vivacité.be, la revue de presse avec le prince Laurent qui aime faire le bien. Vous verrez autour de la table qui aime aussi faire le bien. 8h54, le relook avec David. D'abord, parenthèse, David, on vous retrouve avec Adrien Jovenot entre 16h et 18h samedi dans la Franco-Odyssée en Auvergne. En Auvergne, avec une équipe formidable. Vous allez découvrir l'Auvergne et c'est fabuleux. Mais avant le voyage, le travail. Alors, dans les volcans. Oh, dans les volcans, les petits, les grands. Méfiez-vous du volcan qui dort. D'abord, une petite aide pour les Américains qui deviennent fous avec ça. Donc Hillary Clinton, elle fait sa pneumonie, elle fait surtout un malaise ce week-end dans les commémorations du 11 septembre. Et puis quand elle ressort de la maison de sa fille, on a l'impression que c'est pas la même. Je voudrais qu'on vous remonte ces deux photos, celle avant le malaise, celle après le malaise, et vous tranchez avec vos connaissances et vos capacités, est-ce que c'est un sosie? Alors, connaissances, capacités, je dis que c'est elle, à 100%. Pourquoi? Parce que les cheveux ne sont pas faits, le maquillage n'est pas présent, là on creuse le visage, de l'autre côté on l'a pas, on a un décollement de racines et de l'autre côté on l'a pas, parce que justement, quand on est faible, eh bien c'est comme quand on a de la fièvre. Mais donc... calmez-vous mon vieux. Mais oui, c'est pas grave, elle est toujours vivante. Donc, non mais je dis donc que c'était vraiment elle, mais on pourrait éventuellement avoir un sosie. J'ai déjà rencontré donc des sosies de personnalité et c'est vrai que c'est assez bluffant. Dont le sosie de Christina Cordula. Ah, ma chérie, oui, c'est pas vrai. Oui, enfin, oui, oui. Elle ressemble ou bon, elle a 20 kilos en plus? C'est impressionnant, mais vraiment impressionnant. Elle est, à part la voix qui n'est pas exacte, mais elle ressemble à 100% à Christina Cordula. Non mais il faut demander, Jérôme rigole, parce que les sosies de Claude François, tu as tout et son contraire. Hein. Oui, c'est vrai, je ne parle pas du Johnny Hallyday et du Elvis Presley. Mais là, je confirme, moi en tout cas, que c'est elle, parce qu'au niveau de sa morphologie, je voilà, même vous avec les lunettes... Johnny Cadillac, je vous dis, il y a un moment... Il y a un moment, il faut dire stop. Bon alors, sur le dossier américain, c'est tranché, l'Amérique, David, vous dit merci. Très bien. Alors, maintenant, revenons chez nous. Maggie de Bloc qui fait donc sensation en ce moment, puisqu'elle a changé le système des allocations maladie. On va toucher un petit peu moins. Jusqu'ici, on touchait 60% de son salaire quand on est malade. Avec la réforme du calcul, on va toucher moins. Maggie de Bloc. Alors, pour Maggie de Bloc, elle a 54 ans. Elle a toujours le visage quand même assez rouge. Donc, pour les filles ou les garçons qui ont un visage rouge, un truc qui marche très très bien parce qu'il y a des oméga 3, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est de l'huile de chanvre que vous mettez directement sur le visage avant d'aller vous coucher. chercher, vous mettez une petite serviette pour ne pas salir vos draps, et je vous assure que ça va pouvoir donc décongestionner donc les petites varicosités. La coupe rose donc va justement disparaître, et ouais, donc l'huile de chanvre donc à acheter sans problème. On l'applique comme ça sur la peau. Sur la peau. Ça oui. Se fume ça. On peut aussi, mais je vais parler de l'huile. Là, et combien de fois par jour? Le soir. Le soir uniquement. Oui, parce que ouais, sinon, la journée, vous allez ressembler à une boule à facettes, ouais, hein, si c'est trop gras. Il n'y a pas de contre-indication avec la crème de jour que je mets? Non, non, non, l'huile de chanvre, je vous assure, ça marche vraiment bien. Parfait. Alors, deuxième chose pour notre ami Maggie de Bloc, les sourcils. Donc ici, quand on a un grand visage, on a des grands sourcils. Et là, on a des petits sourcils. Donc, il faut carrément équilibrer, lui donner un petit accent circonflexe, parce que l'œil est très beau, la bouche est toujours bien dessinée. Mais ça ne pousse pas. Comment voulez-vous changer le sourcil? Ça pousse on pas. On peut le dessiner. On peut redessiner ouais, un sourcil. Donc, soit on le fait en fumée, vous prenez une poudre et vous l'appliquez directement, donc avec la forme. Pas la femme. Mais oui, non. C'est pour avoir un effet fumé, donc vous pouvez placer ouais, directement de la poudre et le dessiner. Soit le faire poil par poil, directement donc avec un crayon ouais, à sourcil, parce que c'est un crayon donc qui va être plus sec et ça va rester donc plus longtemps sur le visage. Ou alors directement un tatouage permanent. Mais attention, attention, de bien vérifier pour un tatouage permanent. Maintenant, on fait des belles choses avec des bons produits qui ne s'oxydent pas. Et donc, systématiquement, ouais, vous demandez aussi un ombré. Et donc, ça permet aux blondes et aux brunes d'avoir un ombré et pas les effets de clown comme il y avait ouais, avant. Et si nous greffions deux moustaches? Peut-être. Et aussi, ouais, maintenant, on fait carrément de l'implantation. On fait de la plantation, on va dire, ouais, de sourcils. Donc, on fait une culture et on vous replante directement le sourcil. Quand c'est des vrais, vous, Sarah? C'est des vrais? Vous croyez que je dois les cultiver, les miens? Vous êtes à 2 mètres de moi, donc c'est des vrais. C'est des vrais? Oui, oui, tout à fait. Elle, ça va? Ouais. Ça va très bien. Regardez-moi, par exemple, quand le sourcil est très clairsemé. Et donc, je le redessine avec un crayon cendré. Vous êtes parfait. Et oui. Au niveau des tenues vestimentaires, c'est important. Quand les filles, vous êtes rondes ou les garçons, mettez des matières fluides. C'est très, très important. Et essayez de marquer une verticale avec une petite asymétrie. Vous allez voir que votre volume va diminuer de moitié. Vous pouvez me traduire ça en vêtements de MS Mode. De la non-horizontalité. Que... Oui. Voilà. Mais j'ai pas compris. Donc, moi, on crée une verticale centrale. Donc, comme comment les hommes, quand on met une jupe longue. Non, par exemple, comme un long gilet très fluide où on oui, va à travers. Donc, c'est pour donner une verticale. Et puis après, on peut finir donc à l'intérieur de la silhouette avec des obliques. Donc, avec une blouse ou avec une robe ou avec des pantalons avec un burkini transversal. Et donc, ça permet de casser tout le côté arrondi. Et ça marche très, très bien. Et là, je fais 50 kilos de moins. Et vous paraissez au moins avec 15 kilos de moins. Ah joli, ah joli. Ouais. C'est bravo. David Jean Motte, joli. Voilà. Bravo. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Alors Denis, vous avez le sourcil qui fronce ou vous avez le sourcil joyeux ? Bah écoutez, je veux pas trop de sourcils à me faire, mais content que vous fassiez la pub pour l'émission Matière Grise maintenant, hein, ça relève le niveau. Ceci dit, allez, on a quand même quelques nuages qui arrivent sur le sud du pays ce matin, et les orages ne sont plus très loin, ils sont actifs sur le nord de la région parisienne, et ils arriveront par la frontière française vers midi, et ils vont continuer à évoluer vers le centre et le nord. Il y aura encore de la chaleur sur la frontière hollandaise, 30 degrés, 27 sur Bruxelles, 22 à 24 sur l'extrême sud où ça va s'ennuager. Les orages vont nous quitter la nuit prochaine, ils pourraient être localement violents. Demain, on change de masse d'air, 20 à 24 degrés, mais un temps généralement sec, sauf en soirée où une zone de pluie va traverser le pays. Le week-end, plus frais, 16 à 19 degrés, des averses pour samedi et un temps sec à nouveau dimanche. Vous êtes sur Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le procès de Bernard Westphal s'ouvre donc en ce moment devant les assises du Hainaut. Un procès très attendu, très médiatisé aussi. L'ancien député wallon doit répondre du meurtre de son épouse, Véronique Pirotton. Fabrice Gérard, on vous retrouve à la cour d'assises de Mons. C'est vous qui